2011, j'ai ma paix, on est de retour. D'hier à aujourd'hui, rien n'a changé. A-L-O-N. Ouais, le monde à eux. Petit, oublie le vrai. Tu sais c'est qui, ouais. J'ai ma paix. C'est leur monde à eux. Vas-y, dépasse le train. C'est leur monde à eux. Les petits, oublie le frein. C'est leur monde à eux. Donc les lois, je les enfreins. Même si c'est leur monde à eux. Les petits, oublie le frein. Jury apparu dans le rap comme une esquisse, comme un dessin. Sans dans ma tête, ça bourdonne comme une abeille, comme un essaim. Je fais le retour à deux bras, j'ai mappé mon destin. Quand je te parle de la rue, pas besoin de faire un dessin. Du bon son pour le quartier, tu te rends compte, j'en fais enfin. Rencontrer ton padré, ça finit pareil à la fin. Des gars qui m'ont inspiré, j'accélère, ça passe enfin. C'est comme écrire toute la nuit, il reste quoi de nous à la fin. Les flics qui me posent des questions, là ils croient je suis devin. Demande-leur au patron, ils diront que c'est divin. C'est à Hello dans les parcs, ça s'écoute. Ça coûte comme du bon vin, ça travaille, fabrique, abrique comme du bon vin. Ces deux bras, ça fabrique le shit et je suis au grévin. C'est la vie, il faut une certaine pratique, mais bon matin. Au micro, la rythmique, typique, hardcore, tu sais enfin. Au micro, la rythmique, typique, hardcore, tu sais enfin. C'est leur monde à eux, vas-y, dépasse le train. Même si c'est leur monde à eux, les petits, oublie le frein. C'est leur monde à eux. Les lois, je les enfreins. Même si c'est leur monde à eux, les petits oublient le frein. Artillerie, sors là l'artillerie. Ouvre le coffre, ouvre la boîte à gants. Sors tout. On vient pour lui aussi. Ça part par derrière, à ce que je vois. Ouais. Les punchlines me font flou. JMAP. 3-4, JMAP. Tu vois être plus haut. White Fuel, c'est poussé depuis très haut. Ouais. Oh.